leur amour pour lui, leur bravoure. C'est ainsi qu'il leur inspira un entier dévouement à sa personne et un courage invincible. Quand il commença la guerre civile, les centurions de chaque légion s'engagèrent à lui fournir chacun un cavalier, sur leurs propres économies, et tous les soldats à le servir gratuitement, sans ration ni paye, les plus riches devant subvenir aux besoins des plus pauvres. Pendant une guerre aussi longue, aucun d'eux ne l'abandonna. Il y en eut même un grand nombre qui, faits prisonniers par l'ennemi, refusèrent la vie qu'on leur offrait, sous la condition de porter les armes contre lui. Assiégés ou assiégeants, ils supportaient si patiemment la faim et les autres privations que Pompée, ayant vu dans les retranchements de Dyrrachium l'espèce de pin d'herbe dont ils se nourrissaient, dit qu'il avait affaire à des bêtes sauvages. Et il le fit disparaître aussitôt, sans le montrer à personne, de peur que ce témoignage de la patience et de l'opiniâtreté de ses ennemis ne découragea son armée. Une preuve de leur indomptable courage, c'est qu'après le seul revers éprouvé par eux près de Dyrrachium, ils demandèrent eux-mêmes à être châtiés. Et leur général dut plutôt les consoler que les punir. Dans les autres batailles, ils défirent aisément, malgré leur infériorité numérique, les innombrables troupes qui leur étaient opposées. Une seule cohorte de la 6e Légion, chargée de la défense d'un petit fort, soutint pendant quelques heures le choc de 4 légions de Pompée, et périt presque tout entière sous une multitude de traits. On trouva dans l'enceinte du fort 130 000 flèches. Tant de bravoure n'étonnera pas, si l'on considère les exploits individuels de quelques-uns d'entre eux. Je ne citerai que le centurion Cassius Xaeva et le soldat Gaius Acilius. Scaeva, quoiqu'il eût l'œil crevé, la cuisse et l'épaule traversées, son bouclier percé de 120 coups, n'en demeura pas moins ferme à la porte d'un fort, dont on lui avait confié la garde. Acilius, dans un combat naval près de Marseille, imita le mémorable exemple donné par les Grecs par Cynégire. Il avait saisi de la main droite un vaisseau ennemi. On la lui coupa. Il n'en sauta pas moins dans le vaisseau, en repoussant à coups de bouclier tous ceux qui faisaient résistance.